الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وسلم أما بعد Hier, بفضل الله سبحانه وتعالى nous avons étudié le 16e hadith حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Donc hier nous avons étudié le 16e hadith qui est le hadith de Abu Huraira رضي الله عنه dans lequel il nous dit qu'un homme est venu trouver le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit au messager d'Allah, fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ne t'énerve pas. Il réitéra sa question plusieurs fois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, ne t'énerve pas. Apporté par l'imam Bukhari. Hier, si je ne me trompe pas, j'ai dit rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Wallahu alam. Hasil sawab rawah al-Bukhari. On a vu dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait ses compagnons et que ses compagnons venaient auprès de lui rechercher la science. Et la recommandation, c'est le lien qui est établi entre toi et une personne en lui donnant un conseil qui provient du cœur. Tu aimes cette personne et tu veux son bien. Et la recommandation ne peut provenir que de quelqu'un qui a voulu ton bien. Quelle est la recommandation faite ici? Ne t'énerve pas. Et on avait cité notre version du hadith dans laquelle l'homme a dit j'ai médité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis rendu compte que tout le mal se trouvait dans l'énervement. Que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé et lui a fait cette recommandation là, tardab, l'homme est revenu et lui a dit fais-moi une recommandation au messager d'Allah. C'est comme s'il avait minimisé la recommandation, il voulait un ajout, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ajoutait pas à cette parole et répétait sa parole, la tardab, ne t'énerve pas, la tardab, ne te mets pas en colère, ne t'énerve pas. Il lui répétait le même conseil. L'homme ensuite a médité cette parole. Il s'est rendu compte de la grandeur du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cette recommandation. En disant, je me suis rendu compte par la suite que la colère, ou bien que tout le mal réside dans la colère. Que tout le mal réside dans la colère. On a cité des exemples et on avait démontré que la plupart des transgressions, la plupart des injustices ont lieu par cette cause, la colère. Et on avait cité une parole d'un ancien qui disait, pour définir la colère, awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Le début de la colère, c'est le fait de perdre la raison. Et la fin, la finalité de la colère, c'est les regrets. Au début, tu es énervé au point de ne plus te contrôler et à la fin tu regrettes ce que tu as fait. On avait cité certains exemples comme le divorce. La cause c'est quoi? La colère. Mais ensuite la personne regrette. Comme les mauvaises paroles. La personne est en colère mais par la suite elle regrette. Comme les coups portés injustement. Et wahalumma, etc. Et l'islam nous appelle au noble caractère et nous met en garde contre les manquements. Et le fait de se mettre en colère, à la base, c'est un manquement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette recommandation, ne te mets pas en colère. Et la personne doit comprendre le hadith comme il le faut. Ne te mets pas en colère, ici, signifie premièrement, ijtanib asbaba al-mousilati ila al-ghadab. Premièrement, éloigne-toi des causes qui vont t'emmener à t'énerver. Tu dois t'éloigner de ces causes. Et chaque personne est différente. Deuxièmement, lorsque tu es en colère, ne dépasse pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais reste juste malgré cela. Ensuite, la personne qui veut réussir à mettre en pratique ce hadith doit avoir l'habitude d'avoir un bon comportement. Celui qui s'éduque et qui s'entraîne à avoir constamment un bon comportement, c'est lui qui réussira à mettre en pratique ce hadith. Mais si tu as pour habitude de dire tout ce que tu veux dire, de faire tout ce que tu veux faire, et que tu penses que tu es au-dessus des gens, et que tu n'as pas connaissance des nobles caractères de l'islam comme at-tawadhu ou al-hilm, comme le fait d'être humble, comme le fait de prendre du recul, comme la modestie, ben tu ne vas pas réussir à mettre en pratique ce hadith lorsque ton enfant va t'énerver, ou lorsque tes proches vont t'énerver, ou lorsqu'une personne sur qui tu as un droit va te manquer de respect. Tu ne vas pas réussir à patienter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris l'habitude d'avoir un bon comportement. Tu n'as pas pris l'habitude de dire que de bonnes paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des conseils pour parer à ce problème. Premièrement, l'isti'adatu billahi minash shaytanir rajim. Premièrement, lorsque tu es en colère ou que tu sens que ça monte, tu dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Pourquoi est-ce que les gens, lorsqu'ils se disputent, ils s'insultent? Pourquoi est-ce qu'ils dépassent les limites? L'un fait telle chose à l'autre et l'autre répond encore pire. Et le premier répond au-dessus de l'injustice du deuxième et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé par dire quoi? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La bouche de laquelle est sortie cette parole ne sera pas la bouche de laquelle sortira les gros mots. Si tu as dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, tu as prononcé le nom d'Allah. Tu as cherché protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de Satan, le lapide. Est-ce qu'après ça tu vas dire des gros mots alors que tu viens de dire le nom d'Allah? Non. Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la tranquillité et tu vas te calmer. Pour parer à ce problème, tu dois contredire le shaytan et aller à l'encontre de ce dans quoi il te pousse. Si tu avances, arrête-toi. Si tu es debout, mets-toi en position assise, afin de ne pas aller dans le sens du shaytan. فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. Car il est comme Allah Azza wa Jalla nous l'a décrit dans le Coran, c'est pour vous un ennemi évident. Le fait de faire du dhikr lorsque tu es en colère, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es en colère, le fait de t'éloigner des causes. Par exemple, quelqu'un qui a une dispute avec son épouse. Il sait de lui-même et la connaissant que s'il reste dans cet endroit, il va peut-être lui parler en l'opprimant. Et il sait de lui-même que par la suite il va regretter. Et ça a obligé de venir s'excuser parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour éviter telle mauvaise parole, telle mauvaise action, le mieux, s'il sait de lui qu'il ne peut pas patienter, il sort. Ça c'est la normalité. Mais au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'est la femme qui sort. Ça n'existait pas avant. Toi, si tu es en colère, tu sors. Pourquoi tu sors? Parce que Shaytan, si tu restes dans la même pièce, il va te pousser. Il va te pousser, t'insuffler, jusqu'à ce que tu vas lui dire Anti taliq. Jusqu'à ce que tu vas lui dire je te divorce. Et au moment où la parole va sortir, khalas, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Après, il ne te reste que deux divorces. Et ça peut aller très vite si tu es quelqu'un de coléreux. Voici pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tarbab. Un exemple de la mise en pratique de ce que je vous cite ici. Ali radiallahu anhu. Lorsqu'il a eu... Oui, ou bien suite à une discussion avec Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti et est parti à la mosquée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu visiter sa chère fille Fatima radiallahu anha, il lui a dit où est ton cousin, yani, où est ton époux Ali radiallahu anhu. Elle lui a dit il s'est passé quelque chose entre nous et il est sorti. prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti le retrouver à la mosquée. Lorsqu'il est arrivé, Ali radiallahu anhu était allongé à la mosquée. À l'époque, il n'y avait pas de de tapis. Donc il était dans la poussière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui a dit: Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab. Il l'a surnommé Abu Turab. Et Turab, c'est la poussière. Et il a plaisanté avec lui pour le détendre et pour dissiper sa colère. Alors que c'est son beau-père. Est-ce que si l'un d'entre nous qui a une fille, qui a eu un malentendu avec son mari, et Ani arrive et entend cela, il aurait eu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il aurait mis en pratique la tardab? Ou bien il aurait dit: c'est ma fille, c'est ma chair, c'est mon sang? Sans savoir est-ce qu'elle a tort ou est-ce qu'elle a raison. Hein? Ça c'est mettre en pratique le hadith la tardab. Ça c'est mettre en pratique le hadith la tardab. Ali radiallahu anhu s'est éloigné des causes qui mènent à la colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il en a fait de même. La première chose qu'il lui a dit, il l'a appelé ya Aba Turab, pour le tranquilliser, pour l'apaiser, pour dissiper sa colère. Wa hakadha. Une faïda ici concernant la colère. Où est parti Ali radiallahu anhu lorsqu'il était pas content? Il est parti où? Hein? À la mosquée. Une des causes pour dissiper ta colère, c'est le fait d'aller vers les endroits où il y a de la ibad, où il y a du dhikr, où il y a du bien. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu n'est pas parti dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Les koufars, lorsqu'ils sont énervés, ils vont en bas. Ça, ils boivent quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, quand ils sont heureux. Ils font du haram dans tout, dans, de toute façon, le kafir billah al-azim fait du haram dans tous ses états. Allah musta'an. Al-Muslim, dans tous ses états, lui, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'endroit où tu vas trouver sakina, la tranquillité et la sérénité, c'est où? C'est fil masjid. C'est fil masjid. Et lorsque tu es en colère, un conseil: ne va pas te soulager en allant visiter une personne qui ne te recommandera pas le bien ni ne t'interdira le mal. Tu vas visiter un de tes amis et tu lui dis tout et tu parles sur l'autre, et tu parles sur l'autre, et tu parles sur l'autre. Là, il ne faut pas faire ça. Va faire des ibadat, lis le Coran, fais du dhikr et ainsi de suite. Mais si c'est un ami pieux, lui, il te conseillera en bien. Si tu lui demandes conseil, si tu te mets à prononcer de mauvaises paroles, alors il t'arrêtera. Il te demandera de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver son oui de tes mauvaises paroles. Passons au hadith suivant. Al hadith al-sabi'a ashar. Donc le 17e hadith. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. D'après Abu Ya'la, Shaddad ibn Aws radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a écrit l'excellence dans toute chose. Lorsque vous immolez, faites-le de la meilleure façon. Lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure façon. Et lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure façon. Lorsque vous tuez, ici ils ont mis lorsque vous immolez dans le lit. Iza qataltum, lorsque vous tuez. Wa iza dhabahtum, lorsque vous égorgez. Yani la bête. Wa iza qataltum, ça c'est la personne. Faites-le de la meilleure façon. Que chacun d'entre vous aiguise bien sa lame. Et qu'il laisse respirer la bête. هذا الحديث فيه محاسن الإسلام وأن عنوان الإسلام هو الإحسان في كل شيء. دين السمو والعلو، دين الأخلاق wal-adab. Ce hadith nous montre la beauté de l'islam et l'excellence de l'islam. Et c'est une preuve que cette religion est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça nous montre la perfection de l'islam. Celui qui médite le Coran verra combien Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance à l'excellence, à l'ihsan. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala a vanté les mérites et a fait les éloges des bienfaisants, des muhsinis. Et on avait étudié dans le deuxième hadith, hadith Jibril, hadith Omar ibn Muslim, akhbirni an al-ihsan. Lorsque Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'excellence. Que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui est-ce qui peut me citer la suite du hadith? C'est le fait d'adorer Allah comme on le voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas en français. Donc c'est impossible que ce soit ça la suite. Aïe ouais. Donc, ça va de bonne. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يكرمك. طيب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça, c'est l'état du bienfaisant dans toutes ses adorations. Il adore Allah Azza wa Jal avec un amour total, comme s'il le voyait. Il se rapproche de lui jour après jour. Et il ne se lasse pas de l'adorer jusqu'à ce qu'on verse ou qu'on jette sur lui la terre sous laquelle il sera enterré. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Et le sens de la certitude dans ce verset est la mort. Donc, celui qui a le bon iman, la bonne foi, et qui a un niveau au-dessus, il a accompli ses actes d'adoration avec excellence. Il ressent qu'Allah Azza wa Jal le surveille. Il ressent qu'Allah Azza wa Jal le voit dans tous ses états. Quelques paroles, il entend toutes ses paroles et il voit toutes ses actions. Et il sait et connaît tous ses états. C'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Le fait de ressentir et d'avoir toujours présent dans ton cœur qu'Allah Azza wa Jal te surveille et te voit. Ça, c'est l'excellence. Les savants ont divergé dans ce hadith sur le sens de Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Hal hadha ala sabil al-insha aw al-ikhbar? Hal hadha amrun min Allah subhanahu wa ta'ala al-ibad an yuhsinu fi a'malihim kulliha aw ikhbar min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna Allah subhanahu wa ta'ala ahsana khalq kulli shay. Donc les savants ont divergé concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou concernant le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a écrit l'excellence dans toutes choses, parce que le mot kataba dans les textes peut venir à avoir plusieurs sens. Si on dit que c'est mimbab al-ikhbar, si on dit que le sens, c'est que c'est une information. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et nous enseigne et nous dit que tout ce qu'Allah azza wa jal a fait, a créé, a décrété, c'est fait avec excellence. Idhan ma'na kataba khalaqa wa awjada. Donc le sens de kataba ici serait créer et faire. Donc Allah a fait toutes choses avec excellence. Donc vous devez vous aussi maintenant agir avec excellence dans les actes d'adoration et les actes terrestres. Et si on regarde dans le Coran, on voit des exemples de cela. Et si on médite sur la création des cieux et de la terre et de tout ce qu'on voit on verra cela de la manière la plus évidente. Que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé dans l'univers, ce que nous voyons, est parfait. Et fait avec excellence. Regarde le ciel et médite le ciel. Regarde le soleil et médite-le. Regarde la terre, comment elle a été aplanie, afin que tu puisses vivre sur elle en toute tranquillité, que tu puisses construire. Et on a mis les montagnes pour que la terre ne bouge pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Par exemple, dans Suratul Mulk, la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des cieux et nous montre qu'il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucun défaut. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé les cieux et c'est lui qui les maintient. Et c'est lui qui les maintient, les cieux, pour pas qu'ils ne tombent. Donc il n'y a pas dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala de défaut ni de manquement, mais tout a été créé avec excellence, avec perfection. Si tu médites sur toi-même, ta propre personne, sur l'homme, tu as été créé à la perfection. Tu as été créé à la perfection. Allah nous dit dans le Coran: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Dans surat Wattini Watturisin, Allah Azza wa Jal, en nous parlant de l'homme, nous dit qu'il l'a créé de la meilleure façon. Et chez les anciens, il y a un homme qui avait fait un serment, qui avait juré que sa femme sera divorcée si elle n'est pas plus belle que la lune. D'accord ? Il est parti voir l'imam Malik, ou bien un des imams. Et il lui a dit: j'ai juré, soit mon épouse est plus belle que la lune, soit elle est divorcée. L'imam Malik a eu peur pour lui, parce que la lune est plus belle que son épouse. La création d'Allah Azza wa Jal, comme le soleil et la lune, c'est Azam. Mais il s'est souvenu de ce verset. Et il lui a dit: c'est bon, tu peux garder ton épouse. Parce qu'Allah a dit dans le Coran: لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. On a créé la personne de la meilleure façon. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى كلما يفعل ويخلق على أحسن ما يكون. Et Allah Azza wa Jal, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il n'y a aucun défaut. Regardez la succession des jours et des nuits. Est-ce qu'un jour la nuit a devancé le jour? Est-ce qu'une nuit le jour a devancé la nuit? Là. Mais il y a une succession. Ça nous montre quoi? Qu'Allah Azza wa Jal a créé le jour et la nuit à la perfection. À la perfection. فالنظام على أحسن ما يكون كما نشاهد قال الله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. الله سبحانه وتعالى من القرآن: et le soleil ne devance pas, ou bien ne rattrape pas la lune, et la nuit ne devance pas le jour, et chacun tourne dans son orbite, أو كما قال سبحانه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. Donc voici l'explication. Si on dit que le sens de kataba est khalaqa wa awjada, donc Allah a écrit l'excellence dans toute chose, c'est-à-dire Allah a créé toute chose parfaitement, avec excellence. Le deuxième sens est de dire que le sens de kataba, c'est farada, awjaba, wassa. Comme dans le verset, par exemple: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans ce verset, dans sourate al-Baqara, Allah nous dit: kutiba alaykumus-siyam, on vous a écrit le mois de Ramadan. Que signifie kutiba ici? Ay furida. Le sens de kutiba, écrire ici, c'est quoi? C'est on vous a enjoint, on vous a rendu obligatoire le mois de Ramadan. Donc, si le sens de kataba c'est awjaba, le sens du hadith sera donc: certes Allah a rendu obligatoire, a décrété religieusement l'excellence dans toute chose. Certes Allah a rendu obligatoire et a décrété religieusement l'excellence dans toutes choses. Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous transmet l'information. C'est que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala veut de son serviteur qu'il agisse avec excellence dans toutes ses actions, quel que soit le domaine. Dans toutes tes actions, Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi religieusement que tu agisses avec excellence. Donc le sens de kutiba, furida. Et le sens de kataba, farada, qada, hakama, wassa, amara. Kutiba alaykum al-qisas, par exemple. Le sens de kutiba ici aussi c'est furida. Donc, tout ce qui provient du croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, il doit s'aligner sur ce hadith. Tout ce que tu fais doit être fait avec quoi? Avec ihsan. Tu dois être déterminé pour que chacune de tes actions commises soit de la sorte avec excellence. Et cela est valable pour les choses religieuses et pour les choses terrestres. Quelqu'un qui fait du commerce, fait partie du ihsan de décrire ta marchandise. Tu vends ses mérites, mais s'il y a des défauts, tu dois les citer. Ça fait partie du ihsan. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé au marché un homme qui vendait des dattes ou une autre denrée alimentaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main. Et il a trouvé que sous ce qu'on voit, ce qui était apparent, il y avait de l'eau, c'était mouillé. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Alors l'homme s'est expliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi est-ce que tu les as pas mis au-dessus pour qu'on puisse les voir? Parce que ne fait pas partie du ihsan le fait de tromper ou bien de dissimuler des choses à celui qui vient acheter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man rashana falaysa minna. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Celui qui travaille dans un domaine, par exemple, il est dans le domaine du bois. Lorsqu'il fait quelque chose, pour quelqu'un qui est ignorant du domaine, tu demandes à quelqu'un de te faire un bureau, par exemple. Lui, c'est son travail. Comment on va appeler ça, un charpentier? Celui qui travaille le bois, comment on l'appelle? Un ébéniste. Comment? Un menuisier. Ah, je suis parti loin. Voyez. Face à l'ahlazikin kuntum la ta'alamu. Voyez. Maza, tu vas lui demander de te faire telle chose. Tu n'y connais rien. Et lui, c'est son domaine. Est-ce que ton ignorance va le pousser à avoir du laxisme dans son travail ou pas? Parce qu'il peut te faire un bureau qui n'est pas de bonne qualité, te le vendre au prix d'un bureau qui est de très bonne qualité. Parce que tu es ignorant en la matière. Non, il n'agira pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a ce hadith entre ses deux yeux. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah a ordonné l'excellence dans tout. Donc, il va faire son travail de la meilleure façon. Lorsque tu mets quelqu'un responsable et tu lui donnes telle tâche, telle tâche, telle tâche, il se rappelle ce hadith. Alors il travaillera de la meilleure façon. Que son patron soit présent ou qu'il soit absent. Et ça, c'est ce qu'on appelle el-amana. El-amana, le dépôt, la notion de responsabilité. El-amana, c'est une chose qui a la plus grande importance dans l'islam. Même celui qui creuse une tombe doit avoir l'ihsan. Quelqu'un pourrait se dire, mais de toute façon, le défunt est mort. Alors à quoi bon faire la tombe de la meilleure façon et la mettre droite et ainsi de suite? Non. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. L'excellence, Allah l'a décrété dans tout, l'a ordonné dans tout. Si tu ne le fais pas pour le mort, fais-le pour celui qui voit cette tombe et qui ne meurt jamais. Al-hayy alladhi la yamut, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan, l'excellence, même lors de la dispute. Même lors de la dispute, l'islam nous appelle à l'excellence. Tu ne vas pas opprimer celui qui t'a opprimé. Mais tu vas repousser son mal, soit par la justice, soit avec justice, en lui rendant la monnaie de sa pièce, comme il dit, ou avec un niveau plus haut. Al-Ihsan. Al-Ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, Naam. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لكن هل هذا يناله كل أحد لا وما يلقاها إلا من إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا من إلا ذو حظ عظيم الله سبحانه وتعالى من منتخ الإحسان لأرض دفر إنودي Et la bonne action n'est pas semblable à la mauvaise. Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. De meilleur. Il l'a dit, Ahsan. Repousse le mal, pas par le bien. Par ce qu'il y a de meilleur. Hein? Par ce qu'il y a de meilleur. Et tu verras que celui avec qui tu avais une inimité deviendra un ami chaleureux. Chaleur. Mais par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce degré-là, ça n'est pas à la portée de tout le monde, mais ceux qui ont une grosse part, les patients. Dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si on vous fait un mal, rendez un mal semblable. Ça, c'est l'adl, ça, c'est la justice. Lorsqu'on te fait un mal, tu as le droit de lui rendre un mal semblable. D'accord ? Ça, c'est permis. On nous encourage pas à cela, mais c'est permis. Par la suite, Allah Azza wa Jal nous appelle vers l'Ihsan, vers ce qu'il y a de meilleur, en nous disant « Wala in sabartum » et si vous patientez, « La voie khayru les sabirin » c'est mieux pour les patients. Et regardez comme Allah n'a pas dit Khayrun lakum. Il n'a pas dit c'est mieux pour vous. Mais il a rattaché le bien à la patience en disant les sabirin. Les sabirin. Parce qu'avec cela, tu vas avoir cette qualité. Ensuite, Allah nous dit wasbir. Wa ma sabruka illa billah. Wa la tahzan alayhim. Wa la takum fi dayqi mimma yamkurum. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit patiente et patiente. Et tu ne pourras avoir la patience si ce n'est par Allah. Et ne sois pas triste. Et que ta poitrine ne se resserre pas devant leur manigance. D'accord, celui qui fait preuve de patience, et celui qui a l'ihsan, l'excellence dans ce domaine, qu'est-ce qu'il aura comme mérite par la suite? Qu'est-ce qu'il gagnera? Que va lui accorder Allah Azza wa Jal? Al-ma'iyyatul khassa. Allah Azza wa Jal sera avec toi. Allah nous dit par la suite, Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. C'est pour qui cette ma'iyya? Ahlul taqwa, ahlul ihsan. Laysa li kulli wahid. Donc, si tu patientes et si tu fais preuve d'excellence envers ceux qui t'oppriment, voici ce que tu auras à gagner, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi. Sans aucun doute, Allah est, comme il nous le dit dans le Coran, wa nahnu ahla sunnah nuthbitu ma athbata Allah subhanahu wa ta'ala nafsi fi kitab al-karim wa ma athbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatih min ghayri takyifin wala ta'til wala tamthilin wala tahrif. Allah tabaraka wa ta'ala est, comme il l'a dit dans le Coran, ar-Rahman wa ala arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Au-dessus du trône. Si on te demande où est Allah, qu'est-ce que tu dois répondre? Ala al-arsh istawa. Comme Allah dit dans le Coran, au-dessus de son trône. Il s'est élevé au-dessus de son trône. Mais il y a ce qu'on appelle al-ma'iyatul khas. Allah tabaraka wa ta'ala est avec toi. En plus de te voir, te surveiller et de connaître parfaitement ton état, il te secourt. Il t'aide, te protège, t'accompagne dans toutes tes affaires, t'accorde la victoire sur tes ennemis et te préserve de leur nuisance. Ça, c'est le ma'iyatul khas. C'est la même ma'iyah qui a été citée dans le verset La tahzan, inna Allah ma'ana. dans la grotte, lorsque le prophète sallam est avec Abu Bakr, Allah Azza wa Jalla leur a accordé al-ma'iyatul khas. Il les a préservés, il les a défendus, il leur a accordé la tranquillité, la sérénité. Voici la récompense de Ahlul Ihsan, des gens de l'excellence lors de la dispute. Et si l'ensemble des musulmans mettaient en pratique ce hadith, il n'y aurait pas de médisance, par exemple. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété l'excellence dans toute chose. Il a ordonné l'excellence. Est-ce que ça fait partie de l'excellence? Tel gros mot, telle mauvaise parole, telle moquerie, tel geste, ça fait partie de l'excellence ou non? Non. Est-ce que fait partie de l'excellence la médisance? Le colportage, le mensonge, le faux témoignage, la tricherie, la trahison, l'injustice. Est-ce que fait partie de l'excellence que l'homme opprime son épouse? Est-ce que fait partie de l'excellence que la femme opprime son mari? Non. Donc si chaque personne prend ce hadith, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay, ben nombre de nos péchés vont disparaître. Et le repentir va se réaliser, se concrétiser. Si le père et le chef de famille gardent ce hadith constamment avec lui, est-ce qu'il opprimera ses enfants? Est-ce qu'il sera injuste envers ses enfants? Non. Si tu donnes telle chose à lui, tu dois le donner à lui. Pourquoi? Al-ihsan, l'excellence. Et le fait de favoriser un tel sans raison ne fait pas partie de l'excellence. Ne fait pas partie de l'excellence. Est-ce que la fille va mal se comporter avec sa mère? Est-ce qu'elle va la laisser faire le ménage alors qu'elle a atteint l'âge où elle peut tenir un balai? Non. Pourquoi? Ça ne fait pas partie de l'ihsan. Qu'une fille en bonne santé soit assise et qu'une mère âgée soit en train de faire le ménage. Ah, peut-être. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez les gens qui ont ce hadith. Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Est-ce que si on en pratique ce hadith, on va voir ce qu'on voit dans la rue? Une personne âgée qui a pourtant 3, 4, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Et ça, on ne l'a pas vu qu'une fois. Une personne âgée qui va marcher tout seul. Une femme qui porte des courses, et même toi, peut-être que tu aurais du mal à faire ce chemin-là, à pied, avec je ne sais pas combien de sacs dans les mains. Et subhanallah, tu peux te dire, c'est une femme qui est seule, veuve, sans enfant. Et non, quand tu apprends que son fils a 18 ans, et que l'autre a 20 ans, et que l'autre a 30 ans, et que l'autre, et que l'autre, et que cette femme âgée marche seule jusqu'au marché, et revient seule avec ses courses, sans aucun doute, ce hadith n'a pas été mis en pratique. Sinon, wa rabbil ka'ba, nos mères, elles n'auraient pas apporté ne serait-ce que 500 grammes de quelque chose que ce soit. Même le sac vide, elles ne le portent pas. Et wallah, elles ne sont pas véhiculées et nous on est en voiture. Et pourtant, elles vont à pied faire les courses et nous on ne les fait pas. Est-ce qu'on a mis en pratique ce hadith ou pas? Chaque personne connaît la réponse au fond de lui. C'est lui qui a mis en pratique ce hadith qui dit Alhamdulillah. Et pour ma part, je dis Astaghfirullah. Parce qu'on est loin de la mise en pratique et de la réalisation de ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Lorsqu'il a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette parole, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Ala kulli shay. Al-ihsan fil ibadat. أيها الإخوة الإحسان في العبادات أهم شيء. Là, la chose la plus importante, c'est l'excellence dans quoi? Dans l'adoration. Qu'est-ce que l'excellence dans l'adoration? تمام الإخلاص مع تمام متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. L'excellence dans l'adoration, c'est la sincérité totale et le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم complet. Donc plus tu es sincère dans ton adoration, plus tu recherches l'agrément d'Allah à travers ton acte, plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta façon de mettre en pratique et réaliser cette adoration, plus tu as cette qualité, al-ihsan. Et le niveau le plus haut, c'est d'adorer Allah azza wa jal comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Comme cela a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la prière par exemple, c'est quoi l'ihsan? Isbaghul wudu. Tu fais tes ablutions de la meilleure façon, tu préserves les mains, les choses, les conditions. Ensuite, le fait de sortir de chez toi de bonne heure pour aller au mosquée. Ensuite, de prier à la mosquée avec l'imam, de ne pas devancer l'imam. De ne pas devancer l'imam. De prier avec recueillement, avec khushu'a. Tout cela fait partie du ihsan dans la salat. Le fait de mettre ta meilleure tenue, une belle tenue. Certains parmi les élèves, subhanallah, achetaient des khumsan, hein, à un prix immense. Imagine quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui a un khamis à 1000 euros. D'accord ? Et il ne le met pas pour aller au masjid. Vous savez quand est-ce qu'il le mettait, cette personne, quand est-ce qu'elle mettait son khamis qui avait une somme, qui avait un prix immense, hein? Lorsqu'il se levait la nuit, alors que personne ne le voyait. Il mettait ce khamis. Pourquoi? Inna Allah kataba al-ihsan. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Alors il voulait que lorsqu'il se trouve debout devant Allah Azza wa Jalla, alors que personne ne le voit, hein? Alors que personne ne le voit, si tu mets ce vêtement alors que personne ne te voit, ça peut être que par ikhlas. Ça peut être que par ikhlas. Tu as voulu te parer pour ton Seigneur, celui qui te voit tout le temps. Alors que personne ne te voit, tu te fais beau pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'homme se fait beau pour son épouse et que l'épouse se fait belle pour son mari, à plus forte raison, le serviteur doit s'embellir pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala, celui qui le voit sous tous ses états. Al-Ihsan dans Sadaqat, dans l'aumône, Al-Ihsan, tu donnes de ce que tu aimes. L'intanalbir, hatta tunfiqou, mimma tuhibboun. Allah dit dans le Coran, vous n'attendrez pas le bien tant que vous ne dépenserez pas de ce qui vous est cher, de ce que vous aimez. De ce que vous aimez. Et on a souvent cité le hadith de Abu Talha, lorsqu'il a entendu ce verset, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit, Ya Rasulallah, Allah a révélé ce verset. Et moi, ma richesse que j'aime le plus, c'est mon jardin. Et il y avait de l'eau et des palmiers. Le prophète sallam avait pour habitude d'y entrer. Et il a dit, alors je le donne en sadaqa pour Allah. Je le donne en sadaqa pour me rapprocher d'Allah. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, subhanallah. Et les hadiths, comme cela, se montrent. Abdullah ibn Omar, il était sur une monture qui lui a plu. Il est descendu de cette monture, il a dit, prenez-la et donnez-la en sadaqa. Ils l'ont dit, mais tu viens de nous dire que c'était ta préférée, que tu l'aimais. Il a dit, oui, c'est pour ça que je la donne en sadaqa. C'est pour ça que je la donne. Subhanallah. C'est pour ça que je la donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui reste avec toi, c'est que ce que tu as donné. Ce que tu as perdu, c'est ce que tu vas laisser sur terre après ta mort. C'est ce que tu auras laissé à tes héritiers. C'est ça que tu as perdu. C'est ça que tu auras perdu. Al-Ihsan fi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. L'excellence dans le prêche, lorsque tu appelles les gens à revenir vers Allah azza wa jalla. C'est quoi? C'est le fait de les appeler Allah Azza wa Jal pour Allah, comme Allah le fait. Tu les appelles à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à ta personne, pas à un groupe, pas à une secte. Tu les appelles à Allah tabaraka wa ta'ala, à adorer Allah d'un culte sincère. Tu fais aimer Allah à ses serviteurs. Tu fais aimer Allah à ses serviteurs. Tu ne viens pas toi te faire aimer auprès de ses serviteurs. Tu appelles les gens à Allah comme Allah le veut subhanahu wa ta'ala. Pas besoin d'organisation innovée. Pas besoin de dire on sort 3 jours, on sort 10 jours, ou on sort 40 jours, ou bien on va en Inde. Non, nous on va en Umrah, à Médine, à Mecca. Nous on va au Hajj, à Mecca. Pourquoi on va appeler les gens à les 4 mois en Inde? Voyez, comme appellent certaines personnes à ce qu'ils appellent le Khuruj fi sabilillah. Là, laissa fi sabilillah. Cette sortie-là n'est pas fi sabilillah. وَأَنَا مُسْتَعِدْ لِلْمُنَاظَرَ مَعَ مَنْ خَالَفَ هَذَا. Et je suis prêt à discuter avec toute personne qui n'est pas d'accord avec cela, et on met le micro et on enregistre. Et on ramène des personnes de science pour juger cela. لِأَنَّ الْحَقْ مَعَ السُّنَّةِ لِأَنَّ الْحَقْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَخْرُجْ عَنْ هَذَا أَبَدًا. La vérité ne sort pas du livre d'Allah. La vérité ne sort pas de la sunnah du prophète sallam. La vérité dans la compréhension ne sort pas de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un peut venir en 2000, on est en 2000 combien? En 2013, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut venir en 2013 pour apporter une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié? Oui ou non? Oui? Non. Qu'est-ce que t'en penses, Adam? Est-ce que quelqu'un peut ramener mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Adam, il est là dans les cours depuis le début. Hein? Il a 10 ans, mais il est là depuis le début. Il est plus souvent là que moi, peut-être. Allahumma barik fi. Taïb, Adam, faut que tu apprennes bien, c'est toi qui vas prendre ma place, bi iznillah. D'accord? Tu vas prendre ma place, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah me bénit. Taïb. Donc celui qui vient et qui dit on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On lui dit, nous on veut l'ihsan dans ta da'wah. On veut l'ihsan, on veut l'excellence. On veut la chose la plus haute que tu as à nous présenter. Qu'est-ce que tu as à nous présenter? D'aller quatre mains en Inde? Non, on ne veut pas ça parce qu'on n'a pas trouvé ça dans le livre d'Allah. On n'a pas trouvé ça dans le livre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Nous on a trouvé qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'a wa subhanallahi wa ma ana min al-mushriki hadha alladhi wajadna fi kitab rabbina wa tamassakna bi wa aqilna هذا الذي نتبعه ونحمد الله عز وجل على توفيقه إيانا بأن جعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه النعمة لا تشابه نعمة أخرى. الإحسان dans دعوة c'est que tu appelles les gens à Allah, tu appelles les gens à connaître Allah, tu appelles les gens à aimer Allah, tu appelles les gens à délaisser l'adoration de tout autre que Allah. Tu leur apprends que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah. Ensuite, tu leur apprends à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout. Tu ne les appelles pas à suivre toi, Wallah. On ne veut pas de nos frères qu'ils nous suivent. Wallah, qui nous sommes pour appeler les gens à nous suivre? Si ce n'est des péchés. Combien de manquements on a? Combien de péchés on a? Comment après ça, pour appeler les gens à nous suivre? Non, on appelle les gens à suivre la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'ihsan fi da'wa ila Allah. T'appelles les gens à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous, plus que eux-mêmes, plus que leurs parents. Ça c'est l'ihsan fi da'wa ila Allah. Tu appelles les gens à mémoriser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la comprendre, à la mettre en pratique. Ça c'est l'ihsan fi da'wa ila Allah. Tu appelles les gens avec science. Ça c'est l'ihsan fi da'wa ila Allah. Amma que n'importe quelle personne vienne et se lève et parle, comme on peut voir par un moment. Et lorsqu'on interdit cela, on nous dit que t'es injuste et tu laisses pas parler les gens et ainsi de suite. Aïe, adabas, wal'iyadu billah. Subhanallah. On va laisser un ignorant parler? La, abadan. Abadan. Al-jahid yaskut. Al-jahid yaskut. Celui qui est ignorant, il se tait. Wa yata'allam. Wa yajlis. Wa kafa. Bidhalika lahu sharaf. Et c'est une noblesse, c'est pas une honte de te taire quand tu ne sais pas. Et de venir apprendre. C'est un honneur qu'Allah Azza wa Jal t'accorde. De faire en sorte que tu sois dans la mosquée d'Allah pour apprendre la religion d'Allah, transmise par le message d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Hada huwa al-ihsan, ayyuha al-ikhwa, fi da'wati ila Allah. Voici l'excellence dans le prêche et dans le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi l'excellence dans da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'excellence dans da'wa ila Allah, t'appelles les gens avec science, t'appelles les gens avec sagesse, avec douceur. Ces gens que tu appelles, quel est ton but? Tu veux leur bien. Si tu veux leur bien, tu dois leur parler comme tu aurais aimé toi qu'on te parle, avec douceur, avec sagesse, avec gentillesse. Tu leur cites les versets d'Allah, subhanah. Tu leur cites les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, alakt. Au messager d'Allah, je suis anéanti. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'ai eu des rapports avec mon épouse pendant la journée de Ramadan. Et il lui a dit, affranchi un esclave. J'ai pas au messager d'Allah. Nourris 60 pots, nourris 60 pots, j'ai pas au messager d'Allah. Non, plutôt jeûne deux mois consécutifs, je ne peux pas au messager d'Allah, je n'ai pas la capacité. Alors nourris 60 pots, je n'ai pas au messager d'Allah. Ensuite, le prophète sallam a reçu comme un seau de dattes ou d'une nourriture. Il a appelé cet homme et il lui a dit, tiens, fais une sadaqa. L'homme est parti, ensuite il s'est retourné et a dit, ah Rasulallah, est-ce que je dois donner cette sadaqa à quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Wallahi, entre tel endroit, il n'y a pas plus pauvre que ma femme. Le prophète sallam a souri et il lui a dit, donne-le en sadaqa à ta femme. Subhanallah. Il vient, il dit, je suis anéanti, repart avec une sadaqa. Ça, c'est l'ihsan fi da'wati ila Allah. Tu leur apprends à revenir vers Allah, tu règles leurs problèmes. Bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, i'zan li fi zina. Ô messager d'Allah, permets-moi de commettre l'adultère. Et vous avez entendu cette parole? Comment est-ce qu'on se comporterait si on aurait entendu un homme qui rentre dans l'assise et qui dit ça? Hein? Peut-être qu'il n'aurait même pas le temps de finir sa parole et qu'on l'aurait, hein, réprimandé sévèrement. Et on ne l'aurait plus vu parce qu'un tel se serait levé, un tel et un tel. Le prophète Arsène m'a dit là. Ouzlou, approche. Approche. Atardahu li ummik, la ya Rasulallah. Atardahu li ukhtik, la ya Rasulallah. Atardahu li khalatik, wa zakara maharima. Regardez la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, approche. Est-ce que tu accepterais cela pour ta mère? Il m'a dit, non, au messager d'Allah, il a détesté cela. Alors pour ta tante, non. Pour ta sœur, non. Pour les femmes de ta famille, non. فَكَذَلِكَ النَّاسِ تَيَرْضَوْنَهُ لِي أُمَّهَاتِهِمْ وَلَدِي خَالَاتِهِمْ وَهَكَذَا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pareil pour les gens. Ils n'acceptent pas l'adultère, ni pour leur mère, ni pour leur tante, ni. Alors l'homme est parti en détestant ce péché. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un hadith, a résolu le problème de cette personne. فَهَكَذَا تَكُونَ أَيِّهَا الدَّاعِي تَتَعَلَّمْ تَعْمَلْ تَدْعُو تَصْبِرْ تَكُونَ رَفِيقًا بِالنَّاسِ. طيب مُرِيدًا لَهُمُ الْخَيْرِ. Tu dois être doux avec eux, parler avec science. Tu dois parler à chaque personne avec sagesse, selon ce qu'il comprend, selon son âge. Tu ne parles pas à tes parents comme tu parles à ton ami, et tu ne parles pas à un enfant comme tu parles à un adulte, et ainsi de suite. Tu adaptes ton discours, cela fait partie du ihsan dans Da'wa ila Allah. طيب الاحسان في طالب العلم. Vu qu'on est dans une assise de science, l'excellence dans l'apprentissage de sa religion. Tu viens, tu veux apprendre pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Afin de faire quoi? D'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ça ton but dans Talib Ilm. Enlever ton ignorance pour savoir ce qu'Allah veut de toi. Ça doit être ça ton intention. Ça, c'est l'ihsan dans ta niya. Ensuite, l'ihsan dans la façon d'apprendre. L'ihsan dans ta façon d'apprendre, tu es régulé dans l'apprentissage. L'ihsan avec ton enseignant, le respect, tu fais le dua pour lui, et ainsi de suite. L'ihsan avec tes cahiers, avec tes stylos, avec tes mazas, tes fournitures scolaires, comme on pourrait dire. L'ihsan. Ton cahier ne doit pas traîner chez toi par terre et ainsi de suite. Là, ça doit être rangé. Tu rentres, tu mets ton cours au propre, tu révises. Ça, c'est l'ihsan avec tes cahiers. Fais donc partie du ihsan de faire quoi? Adam, fais partie du ihsan de venir avec un cahier et son livre. Ça, t'as ton livre, toi? Lève ta main pour qu'on voie. Adam, il a son livre. Pourquoi les autres n'ont pas leur livre? C'est Adam. À quel âge Adam? 9 ans. Je t'ai donné un an de plus tout à l'heure. Tu as 9 ans. Adam, à 9 ans, il a l'ihsan avec les mains, avec son livre. Pourquoi nous, on n'a pas tous l'ihsan? Comme moi, j'ai oublié le livre plusieurs fois. Hein? Taïb. Inch'Allah, la fin du cours, tous ceux qui n'ont pas le livre et qui assistent régulièrement, ils lèvent la main, on notera le nombre de personnes n'ayant pas le livre. Et il y a un frère qui est venu me voir qui veut faire une sadaqa pour offrir aux gens le livre. Il veut donc faire quoi? Du ihsan. Jazallahu khayr. Et les femmes qui n'ont pas le livre, elles écrivent le nombre qu'elles souhaitent, elles jettent le papier, et Inch'Allah, cela nous sera transmis. Donc, l'ihsan, tu viens avec ton stylo, et tu prends un deuxième au cas où il ne marche plus le premier, tu prends un cahier, voyez, tu fais attention à tes livres chez toi, ça, tout cela rentre dans l'ihsan. Rentre dans l'ihsan, ta tenue lorsque tu viens au cours, tu mets tes plus mauvais. Essaye de mettre tes plus beaux vêtements. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, refusait de dire un hadith quand il était en train de marcher. Et il disait que ça rabaisse le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux le hadith, on s'assoit, mais je te dis pas le hadith en marche. Regardez le respect du ilm. L'imam Malik, Harun Rashid, le gouverneur, lui a dit, envoie-moi, elle moi pas, envoie-moi le livre de hadith. Il lui a dit, el-ilm, yufta, wala ya'ti. La science, elle ne se déplace pas vers les gens, c'est les gens qui doivent venir vers la science. Le gouverneur en personne est venu frapper chez l'imam Malik pour rechercher la science. L'imam Malik l'a fait attendre longuement. Quand l'imam Malik est venu, le gouverneur lui a dit, « Ma hada ya Malik ?»« Talabnaka famtana'ta an. » Je t'ai dit de m'envoyer le livre, tu as refusé. Tu as dit, on vient vers la science. Je suis venu, tu me fais poireauter tout ce temps-là devant la porte. Il lui a dit, « Oh, gouverneur, Le fait que les gouverneurs se tiennent devant la porte des savants, c'est une noblesse, c'est une élévation pour eux. Et lorsque j'ai su que c'était toi, j'ai su que tu ne venais pas pour l'argent ni pour la dunya. J'ai su que tu venais pour la science et les hadiths du prophète. Alors je me suis lavé. Et j'ai mis mes plus beaux vêtements pour te donner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'ihsan, subhanallah. Le ihsan ma'a l'ilm. L'ihsan ma'a l'ilm. L'ihsan ma'a ahadith rasouli sallallahu alayhi wa sallam. L'ihsan dans ta tenue. L'ihsan dans l'accueil des invités. Dans la préparation de la nourriture. Dans la préparation de la nourriture. C'est pas que pour les invités, même pour le mari. La femme doit faire l'ihsan. Elle doit pas faire des beaux plats, bien décorer le plat et les concombres tels comme ça, et les tomates comme ça, que quand il y a un invité. Là, le meilleur des invités, c'est Zawj. Sahalala. Le meilleur des invités, c'est le mari. Comment ça se fait que la femme, elle se fatigue des heures quand il y a un invité? Et quand c'est le mari, elle pose une assiette, quatre petits pois et kaza. Là, l'ihsan ma'a Zawj. Hein? Fittiba. Ma'adouyouf. Ma'adouyouf avec les invités. Taïd, avec les invités. Al-Ihsan, tu sors le meilleur de ce que tu as, tu proposes le meilleur de ce que tu as. Et une qissa, subhanallah, étonnante chez les plus prédécesseurs, c'est qu'un homme avait un invité. Cet invité, c'est un aveugle. Il lui a préparé un plat, il a décoré le plat, et il a. Yani, comment dire ça? Il lui a ramené un plat comme feraient nos mères pour les invités. D'accord? Mais disposé de la plus belle façon. Donc les gens qui l'ont vu ont dit pourquoi, donc à la fin, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça alors qu'il est aveugle? Vous imaginez la situation, vous avez compris ou pas? Son invité, c'est un aveugle. Et lui, il se fatigue. Et il met une belle assiette, et ainsi de suite, il se fatigue. Alors les gens ont dit, il est étrange. Pourquoi est-ce que tu fais ça alors qu'il est aveugle? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, celui pour qui j'ai fait ça, hein, lui me voit. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, sami'ul alim al-basir. J'ai fait ça pour celui qui me voit. Allah subhanahu wa ta'ala, si lui ne me voit pas, Allah, celui pour qui j'ai fait ça, lui me voit. Regardez l'ihsan, subhanallah. L'ihsan, c'est pas forcément pour les gens qui sont en face de toi. L'ihsan, c'est ta'am baynaka wa bayna Allah. Hein? L'ihsan baynaka wa bayna Allah subhanahu wa ta'ala, bi ikhlas. Ça montre la sincérité. Ça montre la sincérité parce que l'homme en face ne voit pas ce qu'il fait. Et pourtant, il se fatigue pour lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, nous a cité deux exemples dont on pourra avoir besoin. Le premier exemple de ihsan, c'est dans le qatl. Lorsqu'on tue une personne, par exemple la peine de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fa ahsin al-qitla, al-qitla wa al-dhibha ismu hayha, ay hayha al-fi'l, la manière de faire la chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça doit être fait avec excellence. Donc si le gouverneur donne la peine de mort à telle personne, ils n'ont pas le droit de le torturer et ainsi de suite, hein? Ils ne vont pas prendre des canifs et lui mettre plein de coups. Là, bis saif, khalas. Sauf si c'est le qisas. Lui, il a fait telle chose à telle personne, on lui refait la même chose. Ça y est. Deuxièmement, dans dhibha, pour égorger la bête, avec excellence. Et le prophète sallam a expliqué ça. Il aiguise la lame. Et lorsqu'il l'a égorgée, il la laisse. Il la laisse prendre l'air. Et il ne doit pas l'égorger devant les autres bêtes. Il ne doit pas lui faire peur. Et ainsi de suite, à l'excellence avec les animaux. C'est fini, hein? Assumé. L'excellence avec les animaux. Ça nous montre la perfection de l'islam. Subhanallah. Une religion qui nous apprend l'excellence avec les animaux pour les emmener à l'abattoir. Subhanallah. Si pour ôter la vie, il faut l'excellence, que dire des êtres avec les êtres vivants qui vont rester en vie? À plus forte raison, il faut l'excellence. Et pour conclure, après avoir cité tout cela, il te faut l'excellence envers toi-même. Que signifie l'excellence envers toi-même? Tarkul ma'asi wa fi'l ta'at. Thumma takmilatu dhalik bimadha? Fi'l al-mustahabbat. وترك المكروهات. فمن فعل ذلك فقد أحسن إلى نفسه. Donc pour conclure, l'excellence envers toi-même, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jalla en faisant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Puis tu ajoutes à cela ce qu'il t'a recommandé et tu délaisses ce qu'il t'a interdit. Ce qu'il t'a interdit. Wallahu wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yubarika fi ilmina wa yuwaffiqana ila al-amal bima yuhibbu wa yarda. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il y aura une conférence lundi entre le Maghreb et l'Isha. Notre frère Sidati, Inch'Allah, il y aura une conférence lundi entre le Maghreb et l'Isha de notre frère Sidati. Et ceux qui veulent le livre, Inch'Allah, à la fin, on va laisser une feuille ici et ils noteront leur nom. C'est qui récupère la feuille? Tu récupères la feuille, Cézé? Hamidou? Tu récupères la feuille? Taïb. Donc Hamidou, c'est lui qui récupère la feuille, c'est lui qui est responsable et qui vous donnera les livres. S'il ne le fait pas, Cézé, il le frappe, Inch'Allah. Taïb. Alhamdulillah.